J'ai sans un repère dans ces rues que je ne connais pas. Je n'ai plus que ça à faire, marcher pour être heureux.